On fait de belles rencontres dans le Death Rock. J'en veux pour preuve le trio que j'ai avec moi et que je vais laisser se présenter. Je m'appelle Kargan, donc j'habite à Avignon et donc voilà, je suis guitariste de False Faces, un des deux guitaristes de False Faces. Le second guitariste est près de toi et se nomme Eric. Et enfin, la dernière recrue au sein du groupe, tu te fais appeler comment ? Mon pseudo c'est Morgane et mon prénom c'est Pauline. Car vous avez tous trois un pseudo qui vous vient internet. Vous vous êtes tous rencontrés via le web ? Non, avec Fred on se connaît depuis l'école. Et moi j'ai rencontré Eric sur internet, comme c'est mon copain, bah, je me suis intégré au groupe. Le cœur a ses raisons donc, y compris en ce qui concerne la musique, car vous avez tous les deux, Eric et Morgane, un projet parallèle du nom de Violet Sky. Mais au sein du groupe False Faces, vous êtes un trio, aux goûts musicaux un peu différents. Quelles sont les influences que vous revendiquez ? Ouais, Mephisto Walls, Christian Death, mais les premiers quoi, Only Theater of Pain. Et toi Kargan ? Bah, un peu les mêmes influences qu'Eric, Christian Death, Mephisto Walls, puis on a un peu de Bad Cave aussi, Alien Sexuen, Virgin Prunes, Pills of the Nephilim, je pourrais citer des dizaines et des dizaines quoi. Des groupes un peu plus récents comme Bloody Dead and Sexy, Corpus Delicti, enfin, tout ce qui est gothic rock quoi. Alors moi c'est pas du tout les mêmes influences, parce que moi c'est plutôt le rock tout court, genre j'ai Indochine, ce genre de groupe, IAMX, j'ai oublié Depeche Mode comme référence, Aston Villa qui est un groupe rock français, donc c'est un peu eux qui m'ont initié à ces influences là en fait, plus dark. On a voulu rester un peu old school quoi, tu vois, on a voulu rester dans cette musique qu'on écoutait avant et qu'on essayait de faire avant aussi. En fait, au départ, on a commencé, quand on a commencé à jouer, on essayait de faire du punk et on a dérivé logiquement vers le death rock. Quoi, voilà. On peut entendre vos morceaux sur différentes compilations depuis 2-3 ans. Mais quand et comment le groupe s'est-il formé ? False Faces, oui, ça remonte à une dizaine d'années. En fait, au début, on avait un groupe... Ça remonte même à plus loin puisqu'on se connaît de l'école et donc on avait un groupe qui s'appelait Pretty Death. Donc on était tout jeunes à cette époque-là et bon, on répétait un peu dans la cave et voilà quoi. Après moi j'ai fait un groupe qui était un peu plus rock avec Freddy, donc on s'appelait F2 et ensuite Eric est venu dans le groupe et donc on a décidé de changer de nom, de s'appeler False Faces. Donc Freddy après, donc c'était le chanteur de False Faces. Et là depuis 2008, donc Pauline est venue chanter dans le groupe, puisqu'on n'avait plus de chanteur, on jouait tous les deux avec Eric. Voilà, donc c'est parti de là. Eric a créé la page sur MySpace. Et bon après tout s'est enchaîné, voilà quoi, c'est parti de là. Vous venez de faire un premier concert dans cette formation et j'ai été intrigué par l'utilisation d'un ordinateur portable sur scène avec lequel Kargan coordonne la ligne de basse et la boîte à rythme. Est-ce que cette absence de bassiste est un choix de votre part ou bien n'avez-vous pas trouvé un musicien motivé ? Non, c'est pas du tout un choix, ça s'est fait comme ça. Puis c'est aussi par pratique, parce que bon, on était déjà trois à répéter, on n'avait pas forcément un local. Un bassiste en plus c'était beaucoup plus compliqué quoi. Mais bon, pourquoi pas, un bassiste dans le groupe prochainement, pourquoi pas ? Eric, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, bon, je pense que c'est quand même plus facile de répéter nous trois, déjà que c'est assez compliqué parce qu'on a une distance assez grande entre Fred et moi. Donc le problème, c'est que s'il y a une personne en plus qui se rajoute et qui habite aussi à 100 km, on va pas s'en sortir pour répéter, quoi. En plus, on travaille, on a une vie de famille, donc bon, on n'a pas trop le temps. Donc je pense que c'est la meilleure solution pour nous d'utiliser une ligne de basse avec une boîte à rythme. Bon, Fred et Bidou est bien là-dedans, donc au niveau des batteries, c'est des sons échantillonnés de vraies batteries. Pareil pour la basse, donc ça passe quoi. C'est vrai que bon, sur scène, ça fait peut-être léger, mais musicalement, ça passe quoi. Morgane, tu es arrivé au sein du groupe alors que Kargan et Eric avaient déjà l'habitude de travailler ensemble depuis longtemps. As-tu eu du mal à trouver ta place dans le processus de composition ? J'ai pas eu de mal à m'intégrer à ce qu'ils font parce que j'ai tout de suite aimé. Si tu veux savoir la démarche, comment c'est venu ? En fait, c'est venu assez naturellement. Moi, je me suis mis à écrire les paroles et j'ai posé ma voix là-dessus et j'ai, en m'enregistrant, en m'écoutant, j'ai travaillé, etc. Mais j'ai tout de suite adhéré à la musique. J'ai pas eu de mal à m'intégrer au groupe. Quand Fred nous envoie sa base déjà. Moi, je trouve les paroles, Eric rajoute sa guitare, ça se coordonne très bien en fait. C'était ce soir votre premier concert tous les trois, et je pense qu'un autre aspect délicat pour toi a été l'expérience de la scène, d'autant plus que tu es une fille entourée de deux garçons, donc, naturellement, l'attention se porte sur toi. Quel a été ton ressenti par rapport à cette expérience ? J'arrivais pas du tout à m'imaginer parce que c'est, comme je disais, je suis pas chanteuse. Et c'est vrai, quand on nous a proposé de faire de la scène, c'était assez excitant, mais je m'imaginais pas me mettre en avant, devant des gens. Donc là, c'est un peu difficile, oui. C'est le point faible, je dirais. J'anticipe la critique. C'est le point faible que j'ai, c'est que j'arrive pas à me mettre en avant parce que déjà, je suis timide, même en société. Alors là, c'était une exposition très forte pour moi. Voilà. Tu n'es pas chanteuse, professionnelle, sans doute, mais ça n'est facile pour personne d'affronter les feux de la rampe, même si on aimerait vous y voir encore souvent. Une dernière question quand même. À l'écoute des 11 titres de votre démo, j'ai l'impression que vous correspondez à l'idée qu'on se fait du death rock. Je m'explique. Vous avez les qualités et les défauts de ce style musical, c'est-à-dire les rythmiques marquées et dansantes, les guitares stridentes et le placement si particulier de la voix. Mais pour ceux qui ne sont pas fans de ce style musical, vous pouvez comprendre que les chansons présentent une certaine monotonie. Que ce soit pour les néophytes ou pour les amoureux du death rock, comment envisagez-vous l'évolution du son du groupe ? Je pense qu'on va rester dans le death rock. Ce qu'il y a, c'est qu'on pourra sortir des morceaux peut-être plus gothic rock par moment, mais notre but, c'est de faire du death rock depuis toujours. Quoi. On veut faire du death rock et on est death rock et on veut le rester, quoi, c'est tout. Donc, je pense pas qu'on déviera au niveau de la musique, mais par exemple, le dernier morceau qu'on a fait, il est un peu différent des autres, il sonne plus rock. Voilà, ça c'est un exemple. Ou Shadow, c'est, on va dire que ce morceau est beaucoup plus planant. Comme The Gate par exemple aussi, sinon les autres sont vraiment dans la lignée death rock. Peut-être des morceaux plus punk à la limite, mais voilà, on veut toujours garder un certain rythme. Quoi. On va peut-être sortir des morceaux plus planants, plus rock, mais on sortira quand même des morceaux death rock, quoi. C'est notre but. Merci à tous les trois pour cette interview et à bientôt pour un autre concert de False Faces.